chaque lumière s'effacera. Mes mots résonnent comme des chaînes. Chaque secret nourrit ma peine. Je marche fort dans vos éclats. Chaque souffle m'appartient déjà. Je suis la voix que rien n'efface. La basse qui déchire l'espace. Chaque cœur devient ma trace. Chaque view est sans la vibration. Chaque souffle devient prison. Je suis la fête, je suis la loi. Le feu qui vit au fond de toi. Rider's Kill, basse et lumière.